Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quelle émotion, rencontrer l'empereur du Japon. Oui, mais le rencontrer au XVIIIe siècle, c'est ce qu'a vécu Engelbert Kämpfer, un médecin de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Il a fait paraître dans sa langue une histoire naturelle, civile et ecclésiastique de l'Empire du Japon, un ouvrage donc composé en allemand, puis traduit en français, mais à partir de la version anglaise. Et dans cet ouvrage, il nous décrit le cortège qui doit l'accompagner à la cour. Il nous donne le nom de tous les officiers, on y trouve des jokiri, des dossins, des Tsun-sin. Et puis à un moment, il nous dit « Tous ces officiers, excepté ceux qui servent le bujo, le conducteur, sont mis au rang des gens de guerre. Et comme tels, ils ont le privilège de porter deux épées. C'est de là qu'ils sont appelés samouraï, à lire samurai. Hein, il n'y a pas le tréma encore. » Samouraï, nom qui désigne des personnes qui portent deux épées. Nous étions en 1729 quand Kämpfer décrit cette cour du Japon. Ces samouraïs, le mot apparaît dans notre langue. Les samouraïs depuis sont partout dans les films, dans les romans, dans les bandes dessinées, dans les jeux vidéo. Ils accompagnent également le kebab avec la sauce samouraï, oui oui. Ils sont aussi sous les yeux de l'historien. Mais quelles sont les voies de ces guerriers? L'historien nous raconte. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à la figure du guerrier. Oui, comment, à des moments de l'histoire, des groupes humains s'imposent comme étant des guerriers et parfois des guerrières. Nous allons parler des chevaleresses cette semaine. Nous avons déjà parlé des premiers combattants. Et oui, quand est apparue la guerre? Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, direction le Japon pour parler des samouraïs. Des samouraïs avec beaucoup d'imaginaire autour de ces personnages, ces guerriers concrets, réels, mais magnifiés par une histoire, magnifiée par des représentations. Et pour nous en parler, Pierre-François Souiri, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire à l'Université de Genève. Milena Elie, qui réalise cette émission avec Jean-Guilain Meij à la technique, dirait Genève, parce que c'est comme ça que l'on dirait en Suisse. Donc vous êtes professeur honoraire à l'Université de Genève. Vous avez longtemps vécu au Japon. Vous avez dirigé la maison franco-japonaise de Tokyo. Dites-nous, quand nous évoquons tout de suite ce mot « samouraï », est-il possible simplement de le réduire à la notion de guerrier, de combattant? Nous sentons, quand nous lisons vos ouvrages, notamment Les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs chez Flammarion, que c'est beaucoup plus complexe parce que c'est une compréhension à la fois de l'histoire du Japon et de la société. Oui, parce que la figure du samouraï, du guerrier japonais apparaît aux alentours du Xe siècle et elle disparaît au XIXe siècle, c'est-à-dire pendant presque 1000 ans. Les guerriers ont constitué un des éléments centraux de la société japonaise et vous pouvez bien imaginer qu'au cours de ce millénaire, leur figure a considérablement évolué selon le contexte. On passe donc de figures de combattants réels qui sont les hommes de main en quelque sorte des notables locaux à des fonctionnaires policiers, éduqués, qui, à la cour du shogun ou la cour des seigneurs, dirige ce pays d'une main relativement ferme. Oui, c'est ça, les samouraïs, vous les étudiez sur le temps long. Pierre-François Souiri, évolue évidemment la patine du temps, la temporalité fait que nous réduisons le samouraï à une image et souvent l'esthétique domine quand nous évoquons le samouraï, mais il est important de mettre en place ces repères chronologiques, ces bornes. La mise en place des samouraïs apparaît au 9e siècle dans ces années-là, mais il n'y a pas une date de création des samouraïs. samouraï, dans un contexte particulier en fait. C'est une déliquescence d'une certaine forme de pouvoir qui permet de mettre en place cette caste de guerriers. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a au cours donc du dixième, on va dire, du dixième, onzième siècle, montée en puissance des notables locaux dans les provinces, qui s'émancipent vis-à-vis de l'État central qui était apparu très puissant au moment de la tentative de mise en place d'une monarchie bureaucratique au septième et au huitième siècle. Et ces puissants, ces notables locaux s'appuient donc sur des hommes à eux, des armées privées en quelque sorte, des milices locales. Et ceux qui font partie de ces milices locales, qui sont des costauds, hein, on va dire, hein, des gens un peu plus peut-être forts que les autres, ou un peu plus habiles que les autres à l'ère du combat, s'émancipent petit à petit et deviennent un groupe social à part entière, qui d'ailleurs, peu à peu, c'est un processus qui dure plusieurs siècles, s'oppose à la culture de la cour impériale de Kyoto, et mettent en avant un certain nombre de valeurs comme le courage, la fidélité, la loyauté, l'abnégation, le sens de la fraternité entre hommes d'armes, etc. Ces valeurs sont des valeurs qui sont pas du tout celles de la cour. Alors, il y a plusieurs expressions pour désigner tout ça, et même le terme lui-même samouraï est un terme qui a évolué, puisqu'à l'origine, il s'agit de désigner... Un samouraï désigne un serviteur. Un serviteur qui, petit à petit, devient un serviteur armé, donc un garde, en quelque sorte. Et puis, petit à petit, le mot finit par désigner l'ensemble de ce groupe de guerriers qui constitue une classe sociale, on peut appeler ça comme ça, et qui, à la fin du cycle, donc au milieu du 19e siècle, représente à peu près 5 à 7% de la population. Donc une sorte de couche dirigeante, mais aussi une couche moyenne. Mais à l'origine de ces samouraïs, mettons-nous au Xe siècle, Pierre-François Souiri, peut-on dire qu'un homme armé, qui aurait un sabre, devient samouraï? Est-ce que cela suffit pour être samouraï, d'être armé? Il y avait plusieurs expressions à l'époque pour désigner ces hommes de guerre. Celle de samouraï est celle qui a traversé les siècles et que nous, en Occident, nous avons conservé. Mais il y en a d'autres. Il y a le mot bushi, le mot buke, le mot tsuamono, le mot etc. Bon, bref, il y a toute une série de mots. Ça s'est pas cristallisé d'un coup en disant, voilà, ça c'est un samouraï. Donc ces gardes, ces bodyguards presque de l'aristocratie ou des notables, ont fini par constituer un groupe social à part. Et ça a commencé par l'instauration de relations entre ces hommes et leurs maîtres, de relations que, en Occident, on qualifie de vassaliques. C'est-à-dire que ces hommes, dans une économie qui, évidemment, il n'y a pas d'économie monétaire au 9e siècle, on est encore dans une économie de troc, de marchandises, on donne, en quelque sorte, en échange de sa loyauté au combat et de son dévouement au seigneur, on donne donc aux samouraïs une terre. Ou plus exactement, on lui doit le droit d'exercer son pouvoir, sa puissance sur une terre. Alors il y a évidemment là aussi toute une série de variations qui aboutissent au fait que, du coup, ces guerriers sont puissants sur leur terre. D'ailleurs, ils en prennent le nom en général, donc les toponymes, c'est comme chez nous, hein, les toponymes deviennent le nom du guerrier. Donc le nom du guerrier est associé à sa terre. Et à partir du moment où ce guerrier entretient avec un plus puissant que lui des relations d'ordre vassalique, donc il est son homme, on les appelle d'ailleurs les kenin, c'est-à-dire les hommes de la maisonnée, eh bien à partir du moment où un samouraï est un kenin, il rentre donc dans cette espèce d'organisation vassalique qui, pour moi en tout cas, possède un certain nombre de ressemblances avec la vassalité occidentale. Oui, c'est la question que je voulais vous poser, Pierre-François Souiri. Nous appliquons souvent nos modes de pensée sur des objets d'études extérieures, parce que c'est comme ça que nous sommes construits intellectuellement. Et c'est vrai que nous entendons les mots féodalité, parlons du Japon féodal, de la vassalité. Vous avez dit, c'est comme chez nous. Vous tissez des liens de similitude entre ce que nous avons pu connaître au XIIe siècle, la féodalité, et puis ce qui s'est mis en place au Japon. C'est une vaste question. C'est une vaste question parce que le danger d'européocentrisme, évidemment, nous guette. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, c'est-à-dire est-ce que les samouraïs sont intégrés dans un système féodal comme on l'entend, du moins en Occident, c'est quelque chose qui a été repéré très tôt. Bon, d'abord, il faut savoir que le mot fief, en japonais. C'est un mot qui vient du chinois et qui désigne effectivement le fait que un puissant confie une terre à un subordonné et en échange de cette terre, il le soutient et l'autre l'aide au combat. C'est vraiment la même chose que ce qu'on appelle le fief en Occident, à l'origine en tout cas. Donc là, il y a une similitude institutionnelle qui est tout à fait frappante. Deuxième chose, c'est que les Occidentaux du XVIe siècle, quand ils sont arrivés au Japon, les Portugais, les Espagnols, les premiers textes qu'ils écrivent sur le Japon, ils font cette comparaison eux-mêmes. C'est-à-dire que dès 1548-50, 1550, ils expliquent qu'au Japon, il y a, comme chez nous, des ducs, des chevaliers, et même, ils disent, des villes qui ressemblent aux villes libres d'Italie, ce qui n'est pas faux. Donc, il y a une sorte de comparaison qui devient en quelque sorte immédiate. Et à leur tour, les Japonais, au XIXe siècle, au moment où les samouraïs sont en train de disparaître, refont la comparaison, mais en sens inverse. C'est-à-dire que au moment où le Japon est en train de devenir une puissance industrielle, accomplit sa révolution industrielle et entre en guerre contre la Chine d'abord en 1894-95, puis contre la Russie en 1904-1905, les Japonais commencent à expliquer que, eh ben oui, c'est normal qu'ils gagnent les guerres parce que eux, ils sont pas comme les autres, ils sont comme les Occidentaux. C'est-à-dire, nous sommes comme eux. C'est le Japon, c'est l'Europe au milieu de l'Asie. Il se le représente comme ça. Et évidemment, ce discours a une portée idéologique qu'on comprendra très vite, c'est-à-dire ça justifie évidemment l'impérialisme. Et donc, comment s'explique, au lieu de se dire nous avons vaincu les Russes parce que nous avions un système de renseignement plus efficace, nous avions une logistique plus efficace, nous avions des armes plus efficaces, nous avions une flotte plus efficace parce que les Anglais nous l'ont confié. Eh bien non, ils disent non, nous avons vaincu les Russes parce que dans notre sang coule l'âme des samouraïs. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'investissement idéologique sur les samouraïs qui va durer donc jusqu'au moins 1945, jusqu'à la défaite du Japon, la défaite finale. Et donc, du coup, le terme devient surcoté en quelque sorte, et également surcoté auprès des Occidentaux qui eux-mêmes reprennent ce discours à leur tour. C'est passionnant ce que vous nous racontez là, Pierre-François Soury, parce que vous voulez dire que quand les Européens donc arrivent donc dans ces zones mystérieuses et qui sont construites pour être mystérieuses, parce que ce sont des territoires sur lesquels il est difficile d'entrer, il y a déjà un contraste qui est saisissant entre ce qui peut exister en Chine ou en Corée avec un pouvoir plutôt fait de lettrés et le Japon un pouvoir militaire. Ça, les observateurs européens le constatent tout de suite. Tout de suite. Donc le Japon a déjà une particularité. Et cette particularité, c'est intéressant parce que quand les Européens arrivent en Chine, par exemple, ils comprennent tout de suite la puissance de l'État, l'empereur, la bureaucratie de fonctionnaires, tout ça. Ils comprennent que c'est un État qui marche avec et qui est différent, bien sûr, des monarchies occidentales. Mais au Japon, ils ont quand même un sentiment étrange. Bien sûr, disent-ils, toutes leurs mœurs sont différentes des nôtres. Il y a par exemple Louis Freud, qui est un missionnaire portugais, qui écrit un traité sur les mœurs une comparaison sur les mœurs entre Européens et Japonais. Il décrit toute une série de choses qui sont pas comme chez nous là-bas. Mais en même temps, cette idée de vouloir faire une comparaison, c'est tout à fait intéressant parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il veut dire? Enfin, lui, il est missionnaire, donc il veut montrer que les Japonais peuvent parfaitement devenir chrétiens comme nous. Mais pourquoi ils peuvent devenir chrétiens comme nous? C'est pas parce qu'ils mangent avec des baguettes alors que nous on mange à l'époque avec des mains. Mais c'est parce que, au fond, ils ont une société, alors ils l'expliquent pas dans ces termes-là, mais leur société est fondamentalement, ressemble en tout cas à la société occidentale. C'est eux qui le disent. Oui, c'est eux qui le disent. Et pour faire écho à ce que vous nous expliquiez il y a quelques instants, Pierre-François Souhiri, après l'ère Meiji en 1868, quand le Japon entre, on parle de modernité, en tout cas se rapproche de l'Occident, c'est vrai que ces valeurs médiévales sont remises à l'honneur car elles font écho à nos propres valeurs et il y a comme un clin d'œil du Japon à l'Occident en disant « mais regardez, nous avons eu la même histoire ». Pour cela, je vous propose une lecture, l'extrait d'un poème, le dit des Eike, alors que c'est une chronique qui raconte la lutte entre des clans, le Minamoto et Taira, au XIIe siècle, des clans qui combattent pour le contrôle du Japon. Ce matin, une lecture dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau. Quand ils montent à cheval, ils ne savent pas ce que c'est que tomber. Et quand ils galopent sur les terrains les plus abrupts, jamais ils ne font trébucher leur monture. Au combat, peu leur chaud que leur père soit frappé, que leur fils soit frappé. S'ils meurent, ils sauteront par-dessus leur corps pour se battre encore. Dans une guerre telle qu'on la comprend dans les provinces occidentales, quand le père est frappé, on veille à ses funérailles, et ce n'est qu'après la fin du deuil qu'on repart en campagne. Quand le fils est frappé, l'on se désole et l'on renonce au combat. Quand les provendes sont épuisées, l'on commence par semer et l'on ne part en campagne qu'après avoir moissonné. L'été, on prétexte la chaleur et l'hiver, on invoque le froid. Dans les provinces orientales, rien de tout cela. Un extrait du dit des Eike, une chronique du XIIe siècle. Pierre-François Souiri, ce texte que nous a lu Olivier Martineau, vous le citez dans votre ouvrage « Les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs ». C'est très intéressant d'entendre ces chroniques-là parce que nous avons, par le fait que ce soit une chronique, une vision particulière que l'on cherche à imposer, qui est peut-être parfois différente de ce qui se passe réellement dans l'organisation sociale. C'est quoi ce monde des samouraïs au XIIe siècle ? Alors, j'ai cité ce texte dans ce livre parce que le texte montre la différence qui existe entre les guerriers de l'ouest du Japon, qui apparaissent donc relativement civilisés, si je puis dire, et puis les guerriers de l'Est qui sont décrits, pas ici, mais un peu plus loin, comme des barbares. Les samouraïs, ce sont l'équivalent des Xiongnu en Chine, c'est-à-dire des Huns, hein, qui régulièrement déferlent sur l'Empire, et c'est pour ça qu'on a construit la Grande Muraille. Et alors au Japon, c'est la même chose, sauf que ce ne sont pas des étrangers, ce sont des gens qui sortent en quelque sorte de la société japonaise, en tout cas de l'est de la société japonaise, c'est-à-dire la région du Kanto et du nord-est du Japon, pour simplifier la région de Tokyo aujourd'hui, et qui, de toute évidence, ont des valeurs extrêmement différentes de celles de l'aristocratie de cour qui règne à Kyoto. Et c'est donc l'insistance sur ces différences de valeurs qui évidemment étonne les gens de l'ouest du Japon et qui cherchent donc ainsi à expliquer pourquoi ils ont été vaincus d'une certaine façon, parce que les autres sont terrifiants. Et les samouraïs les samouraïs de l'est du Japon, du Kanto, se donnaient effectivement un air terrifiant avec leurs armures, leurs cuirasses, leurs casques, leurs. Alors, ces valeurs, ce sont des valeurs guerrières, en ce sens que on met en avant non pas la poésie ou la musique, mais l'art de monter à cheval, de tirer à l'arc. Secondairement d'ailleurs de combattre au sabre, c'est pas vraiment le problème, c'est plutôt le tir à l'arc qui est important. Et ces valeurs-là sont des valeurs militaires, des valeurs guerrières, que les aristocrates de cour méprisent souverainement. Oui, n'oublions pas que ce sont, à l'origine, leurs serviteurs. Exactement, il y a tout un jeu de tensions qui se crée, en fait. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a une privatisation de la violence. On sent qu'il y a un monde de la cour, et puis quelque chose échappe à ce monde de la cour, avec, à un niveau plus local, des hommes en armes, qui sont des samouraïs, pas que des samouraïs, c'est ça qui est intéressant aussi, mais il y a comme une confiscation du pouvoir, alors que le pouvoir réside toujours dans la capitale autour de l'empereur. Oui, alors là aussi, si pour essayer de faire comprendre aux auditeurs, il faudrait faire une comparaison avec ce qu'est la monarchie royale et l'Église en Occident. Vous ne pouvez être le roi de France que si vous êtes sacré à Reims, par l'évêque de Reims, qui est lui-même le représentant du pape. Vous pouvez être roi d'Angleterre que si vous êtes couronné à Canterbury, par l'évêque de Canterbury, ou l'archevêque de Canterbury, qui est lui-même le représentant du pape. Donc, si vous voulez, l'Église, le pouvoir religieux en tout cas, légitime légitime le monarque, qui lui, évidemment, est un homme, à l'origine, est un homme de guerre, ou en tout cas, un représentant de l'État. au Japon, on finit par avoir un processus du même type. C'est-à-dire le fait que le shogun, donc qui est le chef en quelque sorte de la vassalité guerrière, devient l'équivalent d'un roi occidental, et l'empereur du Japon, qui est en fait un grand prêtre, son rôle c'est d'être le médium entre les dieux et les hommes à l'origine. Eh bien, l'empereur du Japon, qui avait un pouvoir politique réel autrefois, n'en a plus à cette époque-là, on en est dépourvu, mais il garde cette légitimité sans laquelle le shogun ne peut pas être le shogun. Autrement dit, c'est l'empereur qui décerne les titres, qui légitime en quelque sorte la puissance politique des guerriers, mais qui lui-même en est dépourvu. Enfin, petit à petit, on sera dépourvu. Évidemment, tout se fait pas en 24 heures, vous imaginez bien. Oui, surtout que nous sommes sur quand même un temps très long, hein, presque un millénaire. Donc les choses évoluent. Et justement, pour faire écho à ce que nous avons entendu sur ces guerriers samouraïs qui faisaient peur à une partie de la population, en tout cas à celle qui se trouve autour de l'empereur, je vous propose la lecture, toujours par Olivier Martineau, d'un autre extrait. Alors, nous sommes encore au XIIe siècle. C'est là, et vous me corrigez, hein, Pierre-François Souiri, si je dis des bêtises, il y a des chances. Soga Monogatari. C'est Soga bien. Monogatari. Ouais, vous le dites beaucoup mieux que moi. En fait, c'est un récit, c'est les frères Soga, hein, c'est bien ça, qui se battent. Donc là, nous sommes dans la littérature médiévale et nous allons voir comment, à la cour, il y a des amusements, sans oublier qu'il s'agit d'amusements pour les guerriers. Le chant et la poésie, les instruments à cordes, le jeu de balle au pied, le tir au petit arc. Voici quelques-uns des amusements qui se pratiquent à la cour ou à la demeure de l'empereur retiré. Mais nous sommes ici tous des guerriers. Nous faisons la guerre à cheval, nous combattons à pied, nous mesurons notre force au bras de fer, nous savons galoper avec nos chevaux en franchissant les obstacles. Nous sommes tous ici rassemblés venant des provinces alentour. Organisons donc un tournoi de sumo entre nous. Voici qui sera divertissant. Lecture d'un extrait de la Soga Monogatari par Olivier Martineau dans le cours de l'histoire. Donc nous sommes à un banquet qui réunit des guerriers au XIIe siècle, mais là nous sommes plutôt à la cour. Et Pierre-François Souiri, au-delà de l'image du simple guerrier, il y a une formation qui se met en place autour du samouraï. C'est-à-dire que il y a un comportement à adopter, il y a des gestes, il y a des manières de se comporter qui ne font pas de ces guerriers uniquement des combattants sanguinaires. Ça va beaucoup plus loin. Il y a une posture dans la société. Oui, on est à la fin du XIIe siècle, mais le texte date du XIVe, donc on peut penser que ça décrit plus les mœurs telles qu'elles existaient réellement au début du XIVe siècle qu'à la fin du XIIe. Enfin, peu importe, ne pinaillons pas. Si, c'est important, c'est important. Ne pinaillons pas. Ce qui est certain, c'est que, à côté de ces valeurs guerrières dont je parlais tout à l'heure, il y a également une volonté de se mettre en scène, notamment par rapport à ces aristocrates de cour qui impressionnent les samouraïs malgré leur capacité à être extrêmement violents, brutaux, voire sanguinaires. Mais ces gens-là s'appuient, et c'est ça qui est extraordinaire dans la société japonaise, comme dans la société chinoise d'ailleurs, c'est qu'il y a une telle importance du rôle du fonctionnaire, du prestige du fonctionnaire, du prestige de celui qui est proche de l'empereur, enfin du tenno au Japon, ou de l'empereur en Chine, que les guerriers sont quand même impressionnés. Et les autres passent leur temps à leur faire comprendre à quel point ils sont rustres, à quel point ils sont peu civilisés. Et donc, à partir du moment où ils vont prendre le pouvoir et instaurer ce nouveau système politique qu'on appelle le bakufu, ou bien le shogunat, si vous préférez en français, le pouvoir du shogun, donc un autre état, en quelque sorte, qui se constitue à côté de l'ancienne cour impériale, eh bien, les guerriers vont se civiliser, en quelque sorte, vont se polisser, ceux qui sont au pouvoir, en tout cas, et développer à leur tour une culture, par exemple la poésie, qui est un élément très important de la société japonaise, et le signe même de la culture là-bas, eh bien la poésie va être aussi mise en avant par certains, en tout cas certains guerriers. Et l'honneur. Mettre alors, l'honneur, en avant c'est... l'honneur aussi. Oui, alors là, l'honneur, c'est la culture samouraï. Voilà, mais pour répondre au mépris dont peuvent être victimes les samouraïs par certains individus de la cour aussi. Oui, alors l'honneur, c'est un élément absolument central, qui va d'ailleurs être de plus en plus important au cours des siècles, y compris à partir de l'époque d'Edo, quand l'État se stabilise au début du XVIIe siècle. L'honneur, c'est une des vertus centrales. Hein. Il n'y a rien de pire que de perdre l'honneur. Alors les Français ou les Occidentaux ont traduit ça par les Japonais n'aiment pas perdre la face. Non, c'est pas qu'ils n'aiment pas. Personne n'aime perdre la face dans n'importe quelle société. Personne n'aime perdre la face. Mais au Japon, c'est vrai que l'honneur, le sens de l'honneur, est devenu, c'est en quelque sorte exacerbé à partir du moment où les samouraïs n'étaient plus en mesure de faire la guerre. C'est-à-dire à partir du moment où la société se pacifie au XVIIe siècle et que les samouraïs sont en quelque sorte transformés, parfois contre eux-mêmes, en simples fonctionnaires, alors fonctionnaires de justice, de finance, de police, etc., qui habitent désormais dans les villes, non plus dans leur petit manoir à la campagne, au milieu des paysans, et qui donc se transforment petit à petit en une classe de fonctionnaires. Et là, on retrouve le prestige du fonctionnaire. Il s'accapare en quelque sorte le prestige du fonctionnaire qui existe dans toutes les sociétés d'Extrême-Orient, en Corée, en Chine et au Japon. Sauf que eux, ce sont des guerriers. Donc il y a cette espèce de contradiction entre un idéal civil de lettré et un idéal guerrier qui sont en train de perdre. Et c'est toute la question du Bushido. Dont on va peut-être parler tout à l'heure. Mais dont on va parler, Pierre-François Siri, parce que le Bushido est au cœur de nos préoccupations. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux guerriers venus du Japon. Et oui, nous intéressons aux samouraïs. Et je me rappelle, tout comme ces fleurs, on meurt chaque seconde. France Culture. Reconnaître la vie dans chaque soupir, chaque tasse de thé, chaque vie. Que l'on prend la voix du guerrier. La vie dans chaque soupir. Le cours de l'histoire. C'est le Bushido. Xavier Mauduit. La voix du guerrier, c'est le Bushido, un extrait du Dernier Samouraï, le film d'Edward Zick en 2003 dans le cours de l'histoire. Puisque nous parlons des samouraïs, je vous propose un petit détour dans le monde fabuleux des Yamazuki. Donc ça, c'est le groupe qui chante Kono Samouraï. C'est un projet chorégraphique venu tout droit des années 1970, donc avec cette magie des années 1970. C'est un des créateurs de ce bijou et le papa des Daft Punk. Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Samurai, Kono Sam Kono Samurai par le monde fabuleux des Yamazuki dans le cours de l'histoire qui s'intéresse aujourd'hui aux samouraïs, justement, les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs. C'est le titre de votre ouvrage, Pierre-François Souiri. Avec ce mot que nous avons prononcé juste avant d'écouter le monde fabuleux des Yamazuki, ce mot de Bushido, qu'est-ce que le Bushido? Alors, d'abord, Bushi, c'est un mot qui signifie guerrier. C'est un synonyme de samouraï. Le terme est plus fréquent, à vrai dire, en japonais qu'en langue occidentale où il est peu connu. Do signifie, c'est le Tao en chinois, c'est la voix. Hein, donc Bushido, c'est la voix du guerrier. C'est un terme qui apparaît au XVIe siècle pour désigner un ensemble de pratiques qui existent depuis le Xe ou le XIe siècle. L'entraînement au tir à l'arc, enfin tout ce que je disais tout à l'heure. Et qui devient une sorte de mot-valise, donc tout ce qui relève des pratiques des samouraïs, des guerriers à la fin du XVIe siècle, fait partie du Bushido. Mais il n'y a aucun traité de Bushido. Le seul traité de Bushido date de 1899, écrit par Nitobe Inazo, qui était agronome de son état, et qui écrit un ouvrage aux États-Unis, il était aux États-Unis à l'époque, en anglais, qui s'appelle Bushido, Soul of Japan. Et dans cet ouvrage, alors Nitobe, qui est un ancien, en fait un fils de samouraï, un petit-fils de samouraï, explique aux Américains qu'il lui casse les pieds sans arrêt en leur disant que, vu que les Japonais ne sont pas chrétiens, ils comprennent pas très bien sur quelles valeurs ils s'appuient, et excédé, il est lui-même quaker, hein, excédé, il écrit ce livre pour dire aux Américains, vous voyez, nous on n'a pas besoin du christianisme pour avoir des valeurs. Et il écrit ce livre, donc, qui s'appelle donc Bushido, Soul of Japan, qui va devenir un succès mondial, qui va être traduit dans toutes les langues, y compris en français évidemment, et qui est régulièrement réédité. Cet ouvrage fait du Bushido le cœur du système, en quelque sorte, de pensée des samouraïs, alors que l'ouvrage est écrit 30 ans après la disparition, ou 20 ans après la disparition de ce groupe social en tant que tel. C'est quand même un peu paradoxal. Alors le mot évidemment traverse toute la période à partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe, mais à vrai dire, à l'époque Meiji, donc au moment où le gouvernement shogunal est renversé, on met en place ce qui va devenir l'état-nation japonais, le Bushido est un mot qu'on a complètement oublié en réalité. Parce qu'il s'agit de construire un état moderne et pas de revenir aux vieilles antiennes d'autrefois. Mais le Bushido est un concept, si je puis dire, extrêmement flou, qui a vraiment construit l'idéologie samouraï pendant des siècles. Si, bizarrement, le mot, en tout cas, le seul traité sur le Bushido est un traité qui est, en fait, qui date de l'après. 1899, vous nous dites, Pierre-François Souiri, et c'est vrai que s'il y a urgence à mettre en place un traité, c'est que les choses vont mal parfois. Je vous propose, justement, en écho à tout ce que vous venez de nous dire sur la complexité de saisir ce qu'est ce mot Bushido, la voix du samouraï est-elle traduisible? C'est une réflexion que fait l'ethnologue orientaliste italien Fosco Maraini et qui explique dans l'émission L'Esprit Zen de Michel Randon en juillet 1970 combien il est difficile de traduire le mot en donnant un exemple qui nous parle là aussi. Ce n'est pas un regard toujours centré sur l'Europe, mais quand même, ça aide à comprendre. Tâchez de traduire les mots Tao, Do, n'est-ce pas, en japonais, qui veut dire voie. Mais la voie, quelle voie? Ça veut dire voie, route, sentier, mais ça veut dire aussi âme, loi de l'univers, Dieu. On peut lui donner presque tous les sens, n'est-ce pas? Mais c'est presque impossible de traduire dans un mot occidental, parce que chaque fois, le sens est beaucoup plus profond du mot que vous lui donnez dans une langue occidentale. Pour interpréter, il faut revivre, n'est-ce pas, ceux qui ont pensé, c'est les gens qui ont donné ces valeurs à ces mots. Et vous prenez le mot occidental, âme, anima, âme, n'est-ce pas? À l'origine, c'était le vent. C'était une chose tout à fait matérielle, une chose du monde physique. Et après, pensez le sens immense qu'il a pris dans la civilisation occidentale. Et c'est la même chose avec Tao, Do, Michi. L'étude de la langue est l'introduction la meilleure aux paysages spirituels qui sont vraiment la marque d'une civilisation. le langage essentiel, la marque d'une civilisation, c'est ce qu'explique Fosco Marini dans l'émission L'Esprit du Zen de Michel Randon le 13 juillet 1970 sur France Culture. Pierre-François Souiri, justement, dans cette complexité de compréhension de ce que peuvent être ces valeurs, ou en tout cas cette mise en relation de valeurs à travers le Bushido, il y a beaucoup de reconstructions au Japon même. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les samouraïs perdent de leur pouvoir, ils renforcent la théorisation de ce pouvoir qu'ils perdent. Oui, parce que, si vous voulez, le Bushido, en tout cas tel qu'il se le représente au XVIe siècle, c'est une sorte de code de conduite qu'appliquent avec plus ou moins de précision les différents guerriers ou seigneurs en lutte les uns contre les autres dans le cadre de guerres féodales. Puis à partir du début du XVIIe siècle, les shoguns imposent la paix civile. Que faire de tous ces samouraïs qui sont un peu belliqueux et dont on ne sait pas très bien. Alors, comment les calmer en quelque sorte. Alors, on leur donne évidemment du riz. Enfin, on les paye en quelque sorte, non plus en terre comme autrefois, mais en riz, en boisseau de riz. Et petit à petit, donc, ces samouraïs sont transformés en fonctionnaires, ce que je disais tout à l'heure, en bureaucrates en quelque sorte, et on leur demande de faire tout sauf la guerre. Compliqué. C'est compliqué. Alors, certains se coulent en quelque sorte dans le nouveau modèle et deviennent en quelque sorte des lettrés néo-confucéens à la chinoise, se moquant en quelque sorte de ces espèces de soudards d'autrefois qui étaient leurs ancêtres. Et puis d'autres, au contraire, ne supportent pas cette manière de les traiter et se réfugient dans une espèce de pensée réactionnaire où ils ne rêvent que de revenir ils disent revenir au Bushido d'autrefois, mais en fait ils le fabriquent, parce que le Bushido n'a jamais fonctionné comme ça. Et en particulier, ils insistent sur deux ou trois notions qui existaient autrefois, mais qui n'étaient pas si prégnantes. La loyauté, d'une part, et d'autre part, l'honneur dont vous parliez tout à l'heure. Oui, avec un écho sur le 19e, 20e siècle. Donc au 19e siècle, les samouraïs disparaissent. C'est au moment où l'empereur a repris la main sur le pouvoir et fait entrer le Japon dans cette nouvelle ère, l'ère Meiji. C'est à peu près à ce moment-là, Pierre-François Spoy. Oui, ça a commencé en fait plus tôt. C'est-à-dire à partir du moment où les samouraïs sont privés en quelque sorte de faire la guerre, ils mettent en avant des valeurs qui ne sont plus les leurs, mais qu'ils caricaturent en quelque sorte. Alors, Olivier Ansart a écrit un livre là récemment sur cette question-là. Il va très loin puisqu'il parle d'imposture, de théâtre, ça c'est une farce, dit-il, ce Bushido. Mais tout est une farce et c'est vrai. Mais il a pas tort. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il écrit. Je l'ai écrit dans mon livre, mais de façon peut-être moins radicale que lui. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est parce que par exemple, allez-y, Pierre-François Souris. Par exemple, si on prend un exemple qui est hyper connu, qui est celui du seppuku, hein, le fameux harakiri. Bon, si on regarde comment les choses se passent réellement au cours de l'époque d'Edo, où cette pratique est mise en place, alors elle existait parfois sur le champ de bataille, mais il s'agissait de se tuer et de se tuer vite, et souvent d'ailleurs on se tuait mutuellement, on s'embrochait mutuellement, quand on avait perdu la bataille. Hein. Mais là, à partir de l'époque d'Edo, ça devient en quelque sorte le signe de la distinction des samouraïs que d'être, quand on est condamné à mort, d'avoir le droit à cette cérémonie. Sauf que la cérémonie en question, il ne s'agit pas de se planter un couteau dans le ventre et de s'ouvrir le ventre. Il s'agit, dans la plupart des cas, d'un éventail qui est posé sur la table, devant le samouraï qui est à genoux. Et à partir du moment où le samouraï prend l'éventail, le type qui est derrière lui coupe la tête. Autrement dit, c'est une forme d'exécution capitale, mais disons digne. Mmh. Oui, et en fait, le sang qui jaillit, ben, c'est pas si fréquent que ça. Ouais. Parce que le samouraï doit, d'une certaine façon, ça fait partie du Bushido, enfin, on peut l'interpréter comme ça, garder toujours le contrôle sur soi. Or, le fait d'éclabousser de sang tous les gens qui sont autour, c'est une forme de mépris. Hein, c'est ce qu'ils appellent au Japon un suicide de remontrance. Et c'est intéressant de voir que ceux qui ont pratiqué ce type de suicide évidemment extrêmement spectaculaire. Ça s'est passé à l'extrême fin du shogunat, c'est-à-dire au moment où les Occidentaux étaient là. Il y a plusieurs samouraïs qui avaient sabré des Occidentaux au Japon, des Anglais en particulier, qui ont été condamnés à mort par samouraïs. Et les autorités ont dit aux ambassadeurs occidentaux, ben, venez pour assister. Et quand les samouraïs condamnés donc savent que les Occidentaux sont là et qu'ils vont assister à la séance, ils vont leur dire, ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Effectivement, c'est épouvantable. Et les récits des ambassadeurs, ils sortent de la salle, ils sont malades. Enfin bon, c'est horrible. Mais c'est ça qui est resté. Oui, c'est ça qui est resté et qui est toujours présent aujourd'hui. Ouais. Pierre-François Souiri, vous avez cité l'ouvrage d'Olivier Ansart. Cet ouvrage, c'est « Paraître et prétendre, l'imposture du Bushido dans le Japon prémoderne ». C'est publié aux Belles Lettres. L'imposture du Bushido, tout est dit. Et dès les premières pages, nous pouvons lire qu'il s'agit de sa dimension théâtrale avec les mensonges et les impostures dont il est saturé. Eh bien, en écho, et j'aime beaucoup que vous ayez utiliser cet exemple de l'harakiri qui nous fascine tous et que l'on retrouve au cinéma partout. Je vous propose d'écouter une archive du 4 décembre 1970 à la télévision française. C'est la mort de l'écrivain Mishima. 25 novembre 1970, midi. Un millier de soldats, d'officiers, de civils ont reçu l'ordre de se rassembler de toute urgence. Ils doivent écouter un discours de l'écrivain Mishima Yukio. Du haut de son balcon, Mishima lance un appel à la révolte. Il faut réarmer, il faut changer la constitution imposée par les Américains et qui interdit au Japon de déclarer la guerre. Mais personne n'entend Mishima, il parle sans micro, on crie, on se moque de lui, on l'injurie. Alors, pour la dernière fois, Mishima regarde son public et crie « Vive sa majesté l'empereur !» Il disparaît. Il revient dans le bureau du général que son commando a capturé et ligoté. Il n'a pas réussi à provoquer une révolte. Il faut donc mourir, il se fait harakiri. Son meilleur ami lui tranche la tête et se fait à son tour harakiri. Mishima avait 45 ans, son ami 25. Les autres membres du commando sont arrêtés et inculpés de participation à un suicide. Le général, gardé comme otage, en est quitte pour la peur et l'horreur. La mort de Mishima, oui, la peur et l'horreur du général qui a assisté à cette scène d'harakiri, c'était en 1970. Quand Mishima se fait harakiri, nous sommes dans une relecture complètement biaisée, en fait, au XXe siècle, d'un nationalisme exacerbé et qui fantasme, en fait, un passé dont vous nous avez expliqué, Pierre-François Souiri, qu'il est en grande partie une construction tardive. Oui, alors dans le cas de Mishima, c'est encore autre chose, parce que son suicide spectaculaire, évidemment, tourné face aux médias, a engendré une consternation totale dans le pays. Parce que depuis 1945, le Japon essaie de se réintégrer à la communauté internationale. Il est en train de se faire admettre comme une nouvelle puissance pacifique qui a vécu les bombardements nucléaires, qui a une constitution qui interdit de faire la guerre et qui se reconstruit économiquement avec beaucoup de succès, mais en se fondant sur des valeurs pacifiques. Les Jeux Olympiques de 1964 ont signé en quelque sorte la réintégration du Japon dans l'univers, le concert des nations normales, entre guillemets. Et l'autre arrive et se fait harakiri devant tout le monde. Enfin, la réaction au Japon, c'est ce type est fou. Oui, ce type est fou, mais alors les valeurs elles-mêmes qui peuvent venir du Bushido, le souvenir des samouraïs, déjà dans ces années 1970, c'est un peu à l'écart. Là, c'est extrême avec Mishima. Ou alors, draine-t-elle encore en partie la société japonaise? Non, c'est quelque chose qui a largement disparu depuis le 19e siècle. Il y a eu quelques exemples, évidemment, de personnes qui, par exemple, le général Nogi, qui était celui qui était responsable de la boucherie à Port-Arthur en 1905, qui avait été contesté par ses officiers pour être incapable de mener cette campagne correctement, avoir sacrifié beaucoup d'hommes. Le général Nogi décide donc de se suicider, d'ailleurs, avec sa femme. Le jour ou le lendemain de la mort de l'empereur Meiji. Et tout le monde, sur le moment, s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il avait expliqué qu'il mourrait avec son suzerain. Bon, alors, un, C'était interdit aux guerriers de faire ça, depuis au moins deux ou trois siècles. Deux, le suzerain, c'est le seigneur, c'est pas l'empereur. L'empereur n'a jamais été le suzerain des guerriers. Oui, ça aurait été le shogun s'il y avait eu un shogun. Trois, personne n'avait plus fait ça depuis 1860, donc depuis au moins 50 ans. Et mourir à la mort de son maître, de son seigneur, en l'occurrence de l'empereur, c'est un comportement qui était, mais véritablement, interdit par les autorités. C'est-à-dire que si vous faites ça, on vous prend votre fief, votre revenu, votre famille est dispersée, vous perdez tout. Oui, donc il y a des espèces de contradictions énormes, en quelque sorte, entre la réalité et les gestes de ces quelques personnes, qui évidemment sont spectaculaires et interrogent, mais qui en même temps ne représentent rien, ou très peu. Ce qui est intéressant, c'est de se dire malgré tout que l'image du samouraï est présente. Elle est là, elle est une reconstruction, mais elle fait partie de notre imaginaire. Mais cet imaginaire qu'il est nécessaire de déconstruire, c'est ce que vous faites, hein, Pierre-François Souiri, dans Les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs, à la fois nous raconter l'histoire des samouraïs, qui est un peu nous raconter l'histoire du Japon aussi en grande partie, et puis déconstruire cette image de guerrier. Merci beaucoup Pierre-François Souiri. C'est moi qui vous remercie. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, non, non, non, il n'y a pas de bon dictateur. Faire un sort aux fake news historiques, c'est la tâche que s'est donnée Francesco Filippi contre les réhabilitations douteuses de Mussolini. Mussolini a aussi fait de bonnes choses, c'est le titre de son best-seller en Italie, rebaptisé « Y a-t-il de bons dictateurs ? Mussolini, une amnésie historique » dans sa traduction française qui paraît cette semaine. Si le titre original est sarcastique, l'intention de l'auteur ne l'est pas, qui a pour ambition de mettre à disposition d'un large public les données historiques nécessaires à démonter les mythes fondateurs d'un fascisme bienfaiteur, d'un Mussolini bon dictateur, poussé aux extrêmes par Hitler. Autrement dit, il s'agit de démonter la vulgate qui insinue que, comparé au nazisme et au stalinisme, le fascisme, c'était pas si terrible. Francesco Filippi reprend les acceptions courantes sur le fascisme italien que la recherche universitaire a malmenées sans parvenir à être entendue du public. L'historien y rappelle que si les lois raciales ne sont promulguées qu'en 1938, elles sont l'aboutissement d'une politique de plus longue date et que, non, les Italiens ne doivent ni leur pension de retraite ni l'invention des HLM à l'esprit social de Mussolini. Il faut rappeler, pour bien comprendre la nécessité de cet ouvrage de Francesco Filippi, le déluge de falsifications sur l'héritage de la période fasciste qui s'est abattu récemment dans la sphère publique en Italie et notamment lors des élections européennes de l'année dernière. Au cours de la campagne, Matteo Salvini citait généreusement, avec plus ou moins de subtilité, le Duce. Sans défendre un programme fasciste, la stature de grand homme semblait devoir revêtir son habit. Un autre candidat, descendant de la famille, Jules César Mussolini, si, on reconnaîtra le goût pour l'antique de la famille, ne s'est d'ailleurs pas encombré de condamnations sans appel lorsque les médias l'interrogeaient sur l'héritage politique de son aïeul. Le fascisme a été une période longue et complexe avec des moments divers. J'ai toujours pensé qu'il était puéril et même de mauvaise foi de juger cette période en termes de bien ou de mal, de bon ou de mauvais. Je laisse ce débat aux historiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être élu au Parlement européen. Filippi a conçu son ouvrage comme un manuel d'autodéfense destiné à tous ceux qui pourraient se trouver à court d'arguments, lors de dîners entre amis ou entre ennemis d'ailleurs, pour contribuer à empêcher d'empoisonner la mémoire et à travers elle la perception du présent. Car Mussolini est une figure bien pratique pour décrire un passé peut-être édulcoré et pour proposer au pessimisme ambiant une histoire falsifiée mais rassurante. C'est dans l'édification d'émotions réconfortantes que ces rumeurs historiques gagnent leur amplitude et leur force de frappe. Rappelons de concert avec Francesco Filippi que la politique mussolinienne a contribué à la mort massive d'Italiens logés en HLM flambant neuf ou pas. Y a-t-il de bons dictateurs ? Mussolini, une amnésie historique de Francesco Filippi, une arme de combat pour éviter que le passé ne se transforme en futur. Y a-t-il de bons dictateurs ? Eh ben non. Merci Anaïs, on retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr. Pierre-François Souiri, vous proposez les guerriers dans la rizière, nous évoquons le Bushido, mais vous allez publier là dans quelques jours l'érotisme au Japon, l'esprit de plaisir. Y a-t-il un lien ? Le Japon ? Il n'y a pas un développement discours érotique autour de ces samouraïs ? Bah oui, justement, c'est un peu de ça dont il s'agit, même si la grande découverte, en quelque sorte, c'est que l'érotisme, en tout cas, la sexualité... Enfin oui, l'érotisme au Japon, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, se répand dans toutes les couches de la société. Il y a des productions qui... de traités, d'images, de poèmes, de guides, qui sont le fait de l'ensemble de la société, pas simplement des samouraïs. Voilà, donc nous regarderons toutes ces estampes japonaises avec vous. Merci beaucoup Pierre-François Souiri. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane, Viudès, Odile Joessel, Valentine Lovrin. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Demain, il était une fois les chevaleresses. Dans quelles circonstances les femmes pouvaient-elles prendre les armes au Moyen-Âge ? Oui, nous continuons à étudier les guerriers et les guerrières.